Chapitre 2. J'étais donc, ce matin-là, plongé dans mes souvenirs, quand une voix joyeuse qui me plaît du jardin me ramena à la réalité. C'était celle de mon ami Rodolphe, aimable étourdi que j'avais connu à Genève, où il avait passé un an pour apprendre le français. Je l'avais retrouvé à Vienne, où il achevait ses études de médecine, et nous avons renoué bonne amitié. « Alerte donc, monsieur le précepteur, » cria-t-il, en se précipitant dans ma chambre avec sa pétulance ordinaire. « Le dimanche est un jour béni où les fronts les plus sérieux se dérident, où les pédants eux-mêmes redeviennent des hommes. Jetez donc lestement ce masque de gravité qui cache votre jeune visage et venez faire des folies avec moi. »« Des folies non, Rodolphe, mais une promenade si tu le veux. Une promenade joyeuse et folle. Quand on exerce des professions aussi sérieuses que les nôtres, quand on enseigne comme toi l'antique sapience à de jeunes têtes et qu'on cherche comme moi à surprendre les secrets d'Hygie, on a besoin par-ci par-là d'une petite récréation. Soit, Herr Doctor, je vous suis. Où irons-nous? Mon cher Édouard, quand on a le bonheur d'habiter la splendide terre d'Autriche, qui, soit dit sans vouloir offenser les susceptibilités helvétiques, est la plus belle du monde, on peut diriger ses pas de n'importe quel côté, sûr de rencontrer partout de l'herbe drue, des bosquets touffus et des aspects admirables. Toutefois, j'ai mon programme. Je te mène déjeuner chez la Yamorpépé. La Yamorpépé, fis-je en reculant. Qu'est-ce que cela? Après avoir ri de l'étonnement que m'avait causé ce nom bizarre, et prétendu que je m'imaginais que la Yamorpépé était quelque bête fantastique, Rodolphe daigna calmer mon effroi supposé en m'apprenant que la personne surnommée n'était ni une chimère, ni une harpie, ni une guivre, mais bien une respectable veuve de 50 à 60 ans, marchande de café au lait. Il ajouta qu'elle avait été dans son printemps une beauté radieuse, et qu'elle aurait pu, sa cafetière en main, faire un agréable pendant à cette belle chocolatière que Lyotard jugea digne de ses pastels. Il n'était maintenant plus question de cette beauté, mais en revanche on était riche, et le folâtre Rodolphe m'assurait avoir pensé très sérieusement à épouser Madame Yamorpépé certaines années qu'une inflexible tante lui refusait de l'argent pour apaiser ses créanciers. « Si je ne suis pas aujourd'hui marchand de café au lait, conclut-il, c'est qu'un bon génie m'est venu en aide sous la figure de ma chère petite sœur Rosa. Mais comme on ne sait ce qui peut arriver quand on aime la dépense et qu'on a une tante économe, je me ménage, la Yamorpépé. Je vais de temps en temps déjeuner chez elle. Son café est excellent, sa crème exquise, son beurre au-dessus de tout éloge. Allons donc chez la Yamorpépé. Tu ne t'en repentiras pas, mon pittoresque ami. Figure-toi que la maison de la brave dame est adossée à l'Urtelstein, un rocher sauvage qui ressemble à s'y méprendre à votre salève, en sorte qu'en l'apercevant tu vas t'écrier, en versant des larmes, « Salut, ô ma patrie !» Un rocher qui ressemble à sa lève, m'écriai-je en prenant mon chapeau, « Courons, Rodolphe, courons !» Un instant après, nous gravissions la Bergstrasse. Les gracieuses villas qui l'abordent semblaient encore endormies sous leur voile de fleurs. C'est à peine si, d'espace en espace, une fenêtre s'entr'ouvrait comme une paupière coquette, laissant apercevoir la tête blonde de quelque joli camériste, qui dès son lever venait interroger le ciel et savoir si le jour de liberté serait aussi un jour de beau temps. « Ah ça, mon cher Édouard ?» me demanda tout à coup Rodolphe, comme nous passions l'Albrechtsbrücke. « Es-tu amoureux ?»« Tu me fais la même question chaque fois que nous sommes ensemble. » Et chaque fois tu me réponds non, c'est convenu, mais aujourd'hui ?» Aujourd'hui, c'est encore non. Eh bien, tu es ridicule. Tant pis. Tu es absurde. Tant pis encore. Quoi? Pas une des blondes filles du Danube, avec leur taille ronde, leurs yeux riants, leurs dents blanches, ne t'a fait rêver. Pas une. C'est pourtant bizarre qu'un poète comme toi, à cet âge charmant où le cœur ne demande qu'à chanter sur tous les tons, n'ait pas encore coulé la moindre cantilène. Est-ce ma faute si je n'ai pas encore rencontré mon idéal? Ah, tu es un idéal. Voyez donc ce vilain mystérieux qui ne m'a pas encore fait sa confidence. Édouard, nous voici loin de toute habitation, au milieu de la Hauptwiese, où il n'y a que des êtres, confidents non moins discrets que ton ami. Quant à la Schwerhardt, qui pourrait jaser de tes affaires avec le Danube, elle est trop loin pour nous entendre. Asseyons-nous sur ce banc et dis-moi ce que c'est que cet idéal. C'est une jeune fille au teint pur, aux cheveux noirs, aux yeux foncés, doux et fiers à la fois. Sérieuse sans tristesse, gaie sans étourderie, bonne ménagère et qui s'entend néanmoins aux choses de l'esprit. Tu sais que mes parents m'ont laissé une petite fortune. À mon retour à Genève, je trouverai, j'espère, dans l'enseignement une place qui augmentera mon revenu de 2 ou 3 000 francs. J'ai donc une position à offrir à une jeune personne modeste, capable de se trouver heureuse sans cachemire et sans pierrerie. De mon côté, je ne m'inquiète nullement de trouver une dot. « Ah ça, pour qui me prends-tu ? » s'écria Rodolphe avec impatience. « Tu me donnes des détails d'affaires absolument comme si j'étais un notaire chargé de dresser ton contrat. Et c'est d'autant plus ridicule que la fiancée n'est pas encore trouvée. Elle se trouvera, sois-en sûr. J'attends sans m'impatienter, certain que lorsque l'heure sera venue, celui qui veille sur les passereaux m'enverra la compagne qu'il me destine. « Amen !» fit Rodolphe, puis l'ajouta après un instant d'un ton moitié sérieux, moitié badin. « C'est dommage que tu tiennes aux cheveux noirs, car j'aurais une femme à te proposer, juste comme il te la faudrait. Sérieuse, sans être triste, gaie, sans être étourdie, excellente ménagère, avec le goût de la poésie et l'instinct de l'art. Mais hélas, elle est blonde, et du moment que tu la veux brune... « Oui, je la veux brune. Pourrait-on savoir pourquoi tu es si arrêté sur ce point de couleur ?»« Parce que c'est ma fantaisie. » « Excellente raison. J'en avais bien une autre, mais je trouvais peu nécessaire de la confier à Rodolphe. Cette raison était que Valérie, une amie de mon enfance, avait les cheveux noirs. »